seigneur, car avec les soldats, oui, les toreros, je veux entendre, pour les pires, ils font les combats. Le tir est plein, c'est jour de fête, le tir est plein du haut combat. Les spectateurs perdent l'enquête, les spectateurs sont de paix, à grand franco. Apotrope, criez ta page, poussez jusque à la terreur, car c'est la fête du courage, c'est la fête de gens de cœur. Allons, à garde, allons, allons. L'amour passant. Tout un coup, on fait silence, à que se passe-t-il? Plus de prise pénétrant, plus de prise pénétrant, le tarot et l'enfant bondit pour rire. Il s'élance, il entre, il frappe, un cheval roule en prenant pique d'or. Oh bravo tarot, hurle l'enfoule, le tarot vint, il vient, et frappe en cours. Des banderilles, plein de fleurs, il court, le ciel est plein de sang. On se passe, on franchit les grilles, c'est trop court maintenant. Allons, en garde, allons, allons. L'amour, l'amour, l'amour, l'amour.